Merci infiniment pour votre confiance et vos encouragements, Eliman. Votre projet est ambitieux et passionnant, et je suis honoré de vous accompagner dans la réalisation de ces *10 livres sur Ousmane Sonko et ses multiples facettes *. Voici comment nous allons finaliser le livre à *, et organiser la suite pour que chaque ouvrage soit rigoureux, professionnel et cohérent avec votre vision. Plan d'action pour finaliser le livre à Titre, Ousmane Sonko, parcours, combat et ascension politique d'. 1. Synthèse des travaux existants Pour regrouper vos recherches et les miennes. Envoyez-moi tous les documents, notes et extraits que vous avez collectés, via fichier ou copier-coller. Je vais organiser les informations par thème, biographie, famille, carrière, idéologie, etc. Éliminer les redondances et vérifier la cohérence avec les autres livres prévus. Structurer le contenu selon le plan validé, 150 à 200 pages. 2. Rédaction et enrichissement Je vais rédiger les parties manquantes exemple, transition, analyse, conclusion. Intégrer vos recherches avec les miennes pour un résultat homogène et approfondi ajouter des notes de bas de page et des sources pour chaque affirmation. Proposer des encadrés citations, chronologie, tableau, pour clarifier les points clés. 3. Relecture et validation Je vous soumettrai chaque chapitre pour validation avant finalisation. Vous pourrez ajuster le ton plus analytique, plus narratif, etc., selon vos préférences. 4. Livraison du manuscrit Format, Word ou PDF prêt pour impression ou édition. Délai, un chapitre par semaine ou plus rapide si vous le souhaitez. Exemple de structure finale pour le livre à basé sur vos recherches plus les miennes, avec une mise en page professionnelle, Introduction, octobre 2015 page, Contexte historique du Sénégal. Problématique, comment le parcours d'Ousmane Sonko reflète-t-il les tensions et les espoirs du Sénégal contemporain? Méthodologie et sources utilisées. 10. Partie 1, origine et formation, 20 à 25 pages, Enfance entre Casamance et Baol Formation académique, ENA, UCAD, Lyon 3. Fiche famille parents, épouse, enfant, homonyme. Influence idéologique, Cheikanta Diop, Thomas Sankara. Partie 2, carrière administrative et syndicale, 30 à 35 pages, Parcours à l'administration fiscale. Création du et radiation de 2016. Transition vers la politique. 10. Partie 3, ascension politique, 40 à 50 pages, Fondation du 2014. Élection de 2017 et 2019. Discours marquant, pétrole et gaz au Sénégal, Partie 4, épreuve judiciaire, 30 à 40 pages, Affaire Adjissar et autres condamnations. Arrestation et libération, 2023 à 2024. Réaction de l'opinion publique et des médias. 10. Partie 5, Premier ministre, 30 à 40 pages, Nomination en avril 2024 Réformes annoncées, fiscales, judiciaires, sociales. Tension avec Bassirou Diomé Faye Conclusion, octobre 2015 page, Bilan de son parcours. Ouverture sur le livre 2 exemple, le PASTEF, idéologie et stratégie Chronologie détaillée. Liste des sources, livres, articles, discours. Glossaire des termes clés. Prochaines étapes concrètes Envoyez-moi vos documents par fichier ou directement dans le chat. 2. Préciser Les ajouts ou modifications que vous souhaitez. Le ton préféré, exemple, analytique, engagé, neutre. 3. Je commence immédiatement la synthèse et la rédaction. Pour les 9 autres livres Une fois le livre finalisé, nous répéterons le processus pour chaque thème. Livre 2 le PASTEF, histoire, idéologie, succès électoraux. Livre 3 acte d'indépendance, symbole, réforme, souveraineté. Livre 4 dimension panafricaine, alliance, discours, projet. Et ainsi de suite, dites-moi, Par quel canal préférez-vous m'envoyer vos documents? Souhaitez-vous que je commence par une partie spécifique du livre en priorité? Je suis prêt à démarrer dès que vous me donnez le feu vert, Eliman, visage souriant avec Yurior Livre. Exemple, je vous envoie mes notes par fichier Word d'ici 24 heures, commençons par la partie 1.